Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis avec le Cheikh Ibrahim Hafidahullah. On était avec Cheikh Mohamed Ibn Hadi Al-Madkhali. On était en privé tous les trois. Alhamdulillah, nashkurullah. Et le Cheikh, il a donné le feu vert pour Cheikh Ibrahim. Il a dit, il se porte garant, responsable de la da'wah de Cheikh Ibrahim, que ce soit les radios ou quoi que ce soit. Et à l'origine, il a dit, il n'y a aucun empêchement à l'origine. Et alhamdulillah. Et il se porte garant le Cheikh Hafidahullah, et vraiment Ajib Jiddan, le fait qu'il aime beaucoup Cheikh Ibrahim, ils s'aiment beaucoup entre eux, subhanallah, Ajib Jiddan, alhamdulillah, et il va donner kalimat, il donnera des kalimat de temps en temps, alhamdulillah, moi de ce que j'ai constaté de cela, vraiment, alhamdulillah, il n'y a aucun problème pour Cheikh Mohamed Ibn Hadi Al-Madkhali, je l'ai vu de mes propres yeux, on était collés, alhamdulillah. Barakallahu fik, on shura hada barakallahu fik, tu peux propager cela inshallah. Il n'y a aucun mushkil akhi, barakallahu fik. Ana shahid fi dhalik. Je suis celui qui témoigne sur cela, Mahdi Abu Ibrahim, un des imams de Maison Alpha.